premier temps de la nouvelle série de La Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'Europe à l'occasion de la parution de nombreux ouvrages consacrés à ce sujet. Ce matin, avec une historienne et un historien, nous allons nous demander comment écrire une histoire de la culture européenne et avec qui. Dans la première partie, l'historienne Emmanuelle Loyer nous présentera la synthèse qu'elle vient de publier sur l'histoire culturelle européenne, c'est chez Champs Histoire, chez Flammarion. Puis Denis Crouzet viendra nous présenter l'ouvrage qu'il préface et qui s'interroge sur la place des grands historiens de l'Europe, comme Kantorowicz, Brodel, Le Goff, Pirenne, Lucien Febvre ou encore Eric Hobsbawm, dans la construction même de l'identité européenne. Mais peut-on d'ailleurs parler d'identité européenne? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec nos deux invités et Victor Massé de l'Épinay qui co-anime cette semaine avec nous. Spirituel d'Erasme, Stefan Zweig. Ce qui fera la gloire d'Erasme, vaincu dans le domaine des faits, ce sera d'avoir frayé littérairement la voie à l'idée humanitaire, à cette idée très simple et en même temps éternelle, que le devoir suprême de l'humanité est de devenir toujours plus humaine, toujours plus spirituelle, toujours plus compréhensive. La croyance en un apaisement possible de l'humanité renaît toujours, et cela surtout dans les moments de furieuse discorde, car l'homme ne pourra jamais vivre ni rien faire sans ce consolant espoir de progrès moral, sans ce rêve de concorde finale. Il y a dans le legs d'Erasme une promesse créatrice, ce qui montre l'esprit hors de son cadre dans les dimensions de l'humanité, donne à l'individu une force surhumaine. Seules les revendications qui les dépassent et qui semblent presque irréalisables donnent aux hommes et aux peuples la connaissance de leur véritable mesure. Voilà un extrait d'un texte donc de Stefan Zweig, Le lait spirituel d'Erasme, lu par Marc Boyon sur une musique de Giovanni Maria Trabucci pour commencer cette émission consacrée donc à l'histoire culturelle de l'Europe avec vous Victor Massé d'Épinay, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous Denis Crouzet, bonjour. Bonjour. Et avec vous Emmanuel Loyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur Emmanuel Loyer d'une brève histoire culturelle de l'Europe qui, vous l'affirmez en ouverture, est d'abord un cours que vous avez donné à vos étudiants à Sciences Po, c'est publié dans la collection Champs Histoire chez Flammarion et c'est une synthèse fort utile pour essayer de déterminer ce qui est justement une histoire culturelle, ce qu'est une histoire culturelle de l'Europe. Ça n'est pas très simple parce que ça se définit d'abord par des négations. Ça n'est pas, ça n'est pas, ça n'est pas. D'une certaine façon, il faut essayer de déterminer. Ça n'est pas une quête d'identité, dites-vous, forcément. Ça n'est pas non plus la recherche d'une unité là où il y a eu essentiellement de la diversité et de l'opposition. Donc qu'est-ce que c'est ? Bah, c'était d'abord aussi une volonté d'élargir un petit peu l'échelle de ce qu'on pouvait faire en histoire culturelle et surtout de peut-être mettre à profit aussi une bibliographie qui depuis 20 ans s'est considérablement élargie avec, je pense qu'on va on va en parler après, des historiens qui discutent ensemble. Et donc de faire de cette histoire culturelle, c'est-à-dire l'histoire à la fois des productions culturelles, les arts, la littérature, la musique, l'opéra, etc., des objets culturels, on va dire, et aussi l'histoire des pratiques et des représentations. C'est ça un peu le programme de l'histoire culturelle. Eh bien, de bénéficier de tout ce travail qui a été fait, à la fois en histoire comparée, je dirais, et puis aussi toute l'histoire des circulations culturelles. Donc il y a là, je crois, un rendez-vous aussi dont j'avais envie de tirer profit, c'est-à-dire de mettre à la disposition des étudiants en l'occurrence, mais aussi des lecteurs, ce travail de 20 ou 30 ans d'histoire alors européenne. Est-ce qu'on peut parler d'histoire européenne? Parce qu'on retrouve la même chose. C'est vrai que c'est un dialogue entre les historiens. Non, j'ai dit qu'en effet, c'était pas, il n'y a pas là le désir de ma part de montrer les racines culturelles de l'Europe. Mais je crois que, parce que, évidemment, on sait très bien que c'est une chimère, mais je crois qu'à la fin de l'itinéraire du livre, on peut avoir quand même des idées sur peut-être des formes européennes, un style européen. Oui, alors ça, c'est une des vraies questions. Mais pas après le détour. Parce que tout de même, c'est quand même très intéressant de voir les précautions oratoires que chaque historienne et historien sur l'Europe tente de mettre en œuvre d'une certaine façon, comme si il était difficile d'élaborer ce travail-là. Vous dites, il ne faut pas tenter de repérer dans le passé les prolégomènes d'une possible identité européenne, Emmanuel Loyer. Mais parce que tout simplement, l'Europe, ça n'existait pas en tant que telle. Enfin, là, on parle de la construction européenne, c'est une réalité du XXe siècle, ce que tout simplement de dire ce que n'importe quel historien pourrait dire, c'est-à-dire que la notion même d'Europe, elle doit être historicisée. Elle n'est pas la même, on ne parle pas de la même chose si on parle d'Europe au XIXe, et d'ailleurs en parle-t-on? Oui, à propos des précautions oratoires que prennent tous les historiens européens, Emmanuel Layet, il y en a une que vous, en tout cas, vous mettez un peu les pieds dans le plat dans votre introduction, à la fin de votre introduction. Vous laissez de côté les précautions et vous dites, la dernière phrase de votre introduction, qu'il s'agit d'imaginer un rapport peut-être plus heureux à notre présent. Est-ce que c'est ça le but de cette histoire culturelle de l'Europe ? Disons que j'ai un petit peu... Alors, vous voyez, ça s'appelle une brève histoire, donc c'est très modeste. Et puis, tout en étant très modeste, c'est pas du tout modeste, parce que finalement, je me suis aperçue, en faisant très librement ce cours, je n'avais pas du tout spécialement l'intention de le publier tout de suite, que j'avais un peu envie de me poser la question aussi de ce qui nous était arrivé, finalement, depuis un siècle et demi, à nous, Européens. Quand je dis nous, Européens, ça veut dire nous, habitants de cet espace, hein. Parce que d'ailleurs, nous, Européens, de temps en temps, je parle de Saint-Pétersbourg, assez peu. Je parle des cafés, on pourrait parler d'Istanbul. La géométrie est variable. Donc, ce qui nous est arrivé, ce qui nous est arrivé, c'est jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Et c'est vrai que j'essaie d'accrocher un arc de ce qu'on peut appeler la modernité, notion qu'il faudra définir. Mais c'est vrai qu'on arrive à un aujourd'hui. J'aime beaucoup cette expression de Jean Guénaud, l'impitoyable aujourd'hui. Mmh. Et cet impitoyable aujourd'hui, c'est celui d'un continent qui, dites-vous, en ouverture de cette introduction, n'est pas très aimé et dont on se demande s'il pourrait un jour redevenir aimable. Non, mais ça, je pense que on est tous un peu des Européens ou is dégrisés quand même. Oui. C'est vrai que c'est difficile. Je pense que ça, c'est un constat qu'on pourra faire. Et aussi, du coup, les jeunes aussi, je pense, sont un peu désemparés. Et puis, en plus, il nous est quand même arrivé quelques petites choses les 2-3 dernières années qui rendent le présent quand même assez, assez difficile, assez lourd. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que moi, je pense que le passé ne nous aide pas toujours, enfin, à comprendre le présent, mais en tout cas, il nous aide à déplier les possibles, se dire que oui, il y a des solutions dans leur diversité. Et puis, c'est pour ça que c'est parce que aussi c'était quand même un ouvrage, je dirais, adressé, plus explicitement adressé que d'autres ouvrages, un peu aux jeunes quand même. Aux étudiants, en l'occurrence. Vous citez un endroit, Madame de Staël, qui dit « tout ce qui est naturel est varié », qui est une formidable formule, effectivement, que l'on voit bien. Et effectivement, c'est complexe, parce que c'est cette variété que vous tentez de synthétiser dans un ouvrage bref, donc en poche chez Flammarion. Et cette variété, elle se laisse assez peu capter, au bout du compte, malgré les travaux des uns et des autres, malgré les travaux de Christophe Charles, malgré ceux de Donald Sassoon et de bien d'autres qui ont tenté justement de faire des synthèses de cette culture européenne, et vos travaux à vous, Emmanuel Loyer, il y a des moments où ça échappe. On voit qu'il y a des choses qui peuvent rentrer dans un cadre, le roman, le spectacle de la ville, la question, la ville qui se donne en spectacle au XIXe siècle, par exemple, la question du théâtre ou de l'opéra, par exemple, ça peut effectivement se capter comme étant un fonds culturel européen, un fonds commun européen, Emmanuel Loyer. Oui, c'est-à-dire que je pense que unité et diversité ne sont pas antagonistes. Vous allez pluribus unum, dit. Voilà, et c'est ça qu'il faut aussi saisir, c'est-à-dire que en effet, vous allez avoir un processus commun au XIXe siècle, par exemple, de construction nationale où les travailleurs intellectuels et culturels vont apporter leur pierre. Les historiens, les archéologues, les artistes, etc. Mais ensuite, chaque espace va déployer cette logique nationale dans sa spécificité. Donc c'est pour ça que je parle de kaléidoscope, c'est-à-dire qu'il y a une logique éventuellement commune, donc ça peut être la logique de construction nationale, ça peut être en effet... Enfin, une logique de construction nationale qui divise effectivement ce qui pourrait être une unité, en l'occurrence, et c'est vrai que c'est assez particulier, parce que ça c'est la bonne démonstration du début de votre livre, Emmanuel Loyer, c'est de dire, tout compte fait, l'Europe c'est d'abord la construction nationale, donc au XIXe siècle, et c'est donc la division des pays les uns contre les autres, et c'est ça qui fait l'Europe. Enfin, la culture européenne, ou le fonds commun européen. Oui et non, parce que c'est vrai que ça commence comme ça, si on peut dire, mais ensuite, chacun fait la même chose à l'intérieur. Mmh. Par exemple, si on parle de logique nationale, de nationalisation des sociétés, chaque espace, ensuite État, va mettre en place un système scolaire, va mettre en place, un opéra national, va travailler sa langue aussi, de romancier national qui va écrire la geste du pays. Donc à partir de là, vous allez avoir, par exemple, si on parle du roman et de la littérature nationale, différentes traditions, vous allez avoir Walter Scott, vous allez avoir Jane Austen en Angleterre, vous allez avoir Dickens un peu plus tard, vous allez avoir pour la France, par exemple, toute la génération romantique. Mais ce qui va être commun, du coup, c'est la forme romanesque pour raconter la nation. Victor Massel d'Épinay. Alors dans ce chapitre sur les constructions nationales, vous prenez l'exemple finnois avec le Kalevala, qui est une sorte de constitution d'une geste épique comme ça pour constituer un socle à la nation finnoise. C'est un des exemples que vous prenez dans les autres Europes, j'ai envie de dire, qui n'est pas l'Europe du centre. Comment est-ce qu'on fait quand on veut écrire une histoire culturelle de l'Europe pour intégrer toutes ces marges? Parce que, évidemment, vous êtes d'abord française. On est obligé de l'assumer. Enfin, non pas hélas française, mais c'est vrai que je suis modérément polyglotte, je lis. Eh bien, on lit les autres. Et donc, on est dépendant de la bibliographie existante et surtout des langues que l'on pratique. Donc, on n'est pas grand-chose, c'est vrai. mais est-ce que l'histoire européenne telle qu'elle s'écrit en général n'est pas, malgré tout, toujours une histoire d'abord occidentale, une histoire franco-germano-britannique, malgré tout, parce que l'Angleterre, on en parlera peut-être à une grande place, mais que c'est difficile d'intégrer la péninsule ibérique, c'est difficile d'intégrer l'Europe ottomane, ou c'est difficile d'intégrer la Scandinavie. Bien sûr. mais encore, comme on dit dans un jury d'oral. Je pense que, je sais pas, ou bien on est optimiste, on pense que il faudra qu'on ait des historiens. Mais on a maintenant des jeunes historiens, par exemple, qui sont spécialistes de la Scandinavie, des historiens français, je veux dire. Donc, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi penser que, il y a différentes façons. Vous parliez de Christophe Charles, de Donald Sassoon. Il y a différentes façons d'écrire cette histoire européenne. C'est tout. Il y en aura toujours plusieurs. Par exemple, le livre de Sassoon n'a absolument rien à voir avec ce que moi j'ai fait là, mais encore une fois, qui est un ouvrage modeste, mais ou ce que fait. Christophe Charles. Donc, je crois qu'il faut concevoir qu'il y a différents itinéraires dans cette histoire et que il faut lire beaucoup, je crois. Et vous dites que, par exemple, il faut tenir la balance entre un point de vue internaliste, vous allez peut-être nous expliquer ce que vous entendez par là, et un point de vue externaliste. Tous les auditeurs ne connaissent pas ces distinctions, qui sont des distinctions propres aux disciplines des sciences humaines. Qu'est-ce que ça veut dire tenir cette balance, selon vous, Emmanuel Loyer? Ben ça, je pense que c'est pas lié à l'histoire de l'Europe, mais c'est, disons, une sorte de graal historiographique. Mmh. On peut dire que on a à la fois envie d'avoir une ambition, je dirais, d'intelligibilité dure des sociétés, de comprendre des logiques sous-jacentes qui ne sont pas conscientes aux esprits des contemporains, d'un côté. C'est ça qu'on peut appeler le point de vue externaliste. Et puis internaliste, c'est les historiens depuis déjà longtemps, et notamment les historiens culturels des représentations, essaient d'entrer d'une certaine façon dans le cerveau des contemporains et de comprendre quelles ont été leurs représentations. Donc ça, on a des moyens d'essayer de comprendre ça à travers les écrits sources, du fort intérieur, les écrits, voilà, ce qu'on appelle les écrits de l'intime, etc. Donc bon, voilà, c'est un objectif. Alors, par exemple, si on prend un exemple, essayer de comprendre pourquoi cette petite ville relativement provinciale, je vais me faire des amis, qui était Vienne, est devenue à la fin du 19e siècle une sorte de capitale artistique efflorescente. Essayer de comprendre pourquoi, alors qu'elle avait beaucoup moins de théâtre, beaucoup moins de lieux de spectacle que les grandes capitales qui étaient Paris, Berlin ou Londres, et bien malgré tout, Vienne a été un endroit d'innovation artistique majeure, et ça, il faut rentrer. Bon, Stefan Zweig, qui était cité au tout début de cette émission, peut nous y aider, mais il faut rentrer dans la tête des contemporains et aller voir ce qu'ils écrivent sur cette question-là, par exemple, Emmanuel Loyer. Là, c'est vrai que vous parlez de cette sorte d'anomalie viennoise de la fin du 19e, début 20e, qui est une sorte aussi de fétiche un peu de notre modernité, puisqu'elle a vu naître un certain nombre de motifs, Klimt, Freud, Schnitzler, enfin toute une gamme à la fois de penseurs et d'artistes. Et là, c'est pas tellement la tête des contemporains, parce que évidemment, on a de multiples sources, dont l'extraordinaire Stefan Zweig, mais c'est plutôt peut-être, déjà, en effet, voir que à l'époque, c'était une ville à la fois en transformation, mais qui était plutôt encore relativement, qui était concurrencée dans la représentation de la germanité par Berlin, mmh. Berlin qui monte avec l'État prussien. Et donc, elle est en effet, ça Christophe Charles le montre, je dirais sous-équipée en termes d'infrastructures. Parce que l'histoire de la culture, c'est aussi l'histoire des infrastructures. Il faut qu'il y ait des institutions. Il faut qu'il y ait des théâtres, il faut qu'il y ait des opéras, il faut qu'il y ait des éditeurs, il faut qu'il y ait des sociabilités aussi, ça vend des cercles. Des salons. Il faut qu'il y ait des cafés éventuellement, parce que alors, les salons, on est à la fin un peu de l'ère des salons, et justement, on a ces espaces, il faut qu'il y ait des académies, etc., etc. Donc tout ça, beaucoup d'historiens amenés par justement Christophe Charles et Daniel Roche avaient travaillé sur cette notion de capital culturel, de rayonnement. Bon bah là, pourquoi est-ce que Vienne, qui est sous-équipée, connaît en une vingtaine d'années cette efflorescence, comme vous le dites très bien, c'est assez compliqué. Rendre compte, mais c'est quand même... C'est Zweig qui dit il y avait une sorte de fanatisme de l'art dans le Vienne de l'époque, et Michael Pollack qui dit que c'était une sorte de choix pour l'excellence artistique, dites-vous, comme critère du patriotisme autrichien, d'une certaine façon, comme étant une des possibilités pour voir de se distinguer justement au sein de toutes les autres capitales européennes. Oui, là c'est très intéressant sur la notion d'identité. On dit toujours c'est quoi l'identité européenne, l'identité. Bon, l'identité elle-même, c'est un peu un fétiche aussi de notre culture occidentale. Et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est aussi, il y a un chapitre là-dessus, à quel point, évidemment, l'histoire de l'intimité, du sujet, de l'identité est elle-même quelque chose qui se construit dans ces siècles de la modernité. Mais on voit très bien à Vienne que oui, on pouvait superposer les identités. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes à la fois viennois, vous êtes juif ou pas juif, vous êtes germanophone ou pas germanophone, et puis vous avez cette... je ne sais pas si on peut l'appeler patriotisme, mais en tout cas de ce lien de loyauté autrichien à l'empereur. Et c'est votre identité, l'identité d'un Stefan Zweig, elle est faite de la superposition du tissage de ces différentes de tout cela. Denis Crouzet, vous voulez intervenir? Oui, juste, ce qui est très intéressant avec Vienne, c'est à Vienne où éclate l'identité avec Freud. Donc l'identité de l'individu est complètement minée par Freud, et Freud écrit aussi « Crise dans la civilisation ». Donc, comme si... Donc, la civilisation est minée aussi, d'une certaine façon. Donc, la comme notion si Vienne était, sentait que quelque chose allait se passer avant que cela arrive. Alors ça, c'est à la fin du 19e et au début du 20e siècle, mais évidemment, votre ouvrage « Une brève histoire culturelle de l'Europe », Emmanuel Loyer, continue jusqu'à nos jours, et sur ce 20e siècle dont vous êtes par ailleurs une spécialiste, et vous vous posez beaucoup de questions, parce qu'on se posera la question mercredi, par exemple, dans cette série d'émissions sur l'Europe, sur la division de l'Europe. Qu'est-ce que ça laisse comme trace dans une histoire culturelle? Qu'est-ce que le fait que le communisme se soit opposé au capitalisme en Europe occidentale, donc pendant environ 70 ans ou 80 ans, a laissé comme trace dans la culture européenne? Qu'est-ce que les révoltes partagées d'un côté et de l'autre du rideau de fer de Prague et de Paris en mai 68 ont à nous dire? Peuvent-elles nous dire quelque chose? Ont-elles quelque chose en commun? Tout ça, c'est des questions que vous posez dans ce livre, Emmanuel Loyer. Oui, alors ce sont des vastes questions. Oui, mais il y a à la fois, en effet, des expériences communes, parce que toujours dans cette idée de qu'est-ce qu'on a en commun. Évidemment, il y a les conflits mondiaux, et puis ensuite, il y a cette cicatrice au cœur de l'Europe. Après 45, et cette cicatrice qui en fait se défait en 1989, mais évidemment on voit très bien là, j'entendais ce matin sur les élections allemandes le fait que le parti d'extrême droite allemand est beaucoup plus fort dans les anciennes régions de la DDR. Bon, on voit très bien comment il y a des résurgences politiques ou culturelles jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vrai que j'étudie un peu avec mes modestes moyens certains phénomènes, disons, de cette Europe communiste, mais aussi peut-être à plus longue portée l'idée que, en dépit de tout ce que ça a pu, de ce que c'était que cette Europe communiste, c'était aussi dans cette Europe et dans le monde l'idée d'une alternative possible au capitalisme. Et finalement, peut-être ça a été aussi ça une de ses fonctions après 89 et la liberté retrouvée pour ces peuples. Évidemment, on est aussi dans les 30 dernières années et dans l'Europe d'aujourd'hui, dans une sorte de... À la fois, on nous dit tout le temps, il faut plus d'intégration, et en même temps, le spectre d'une forme d'uniformisation morose aussi nous guette. Victor Massé-Lépine. Oui, peut-être Denis Crouzet peut aussi intervenir sur cette question de la chute du mur, puisque la chute du rideau de fer, c'est aussi donc la fin de, Emmanuel Loyer le disait, d'un autre possible, d'un certain possible qui agissait comme idéal ou comme repoussoir. Et dans cette façon d'écrire l'histoire de l'Europe, qu'est-ce que ça a représenté, cette chute du rideau de fer, cette fin d'un possible, cette fin d'un autre horizon? Est-ce que c'est aussi la nécessité de réunifier une histoire ou d'écrire une histoire qui ne soit plus qu'une, et non plus d'assumer deux écritures de l'histoire ou plusieurs écritures? On le voit très bien avec Aaron Gourevitch, qui avait déjà anticipé sur cette fin en écrivant... Alors Aaron Gourevitch, tout le monde ne le connaît pas, donc... C'est le grand historien d'un livre qui a été traduit en français sous le titre « Les catégories de la culture médiévale », qui a travaillé parallèlement à Le Goff sur l'imaginaire médiéval, qui a pu dépasser les blocages qui lui étaient imposés en s'intéressant à la Scandinavie, à l'Angleterre, et qui, après la chute du mur, est symbole, en quelque sorte, de cette réunification des discours historiques et globalement du triomphe de l'école des annales par-delà l'ancien rideau de fer. Et il y a tout de même quelque chose qui n'est pas partagé par tous les pays d'Europe, par exemple, et vous y insistez dans un chapitre, Emmanuel Loyer, c'est l'expérience coloniale. et donc l'expérience postcoloniale. Tous les pays d'Europe n'ont pas été colonisateurs, comme ont pu l'être la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne de façon brève, ou d'autres pays, ou les Pays-Bas, ou la Belgique. Finalement, ça fait quand même l'Italie. Oui, mais enfin, tout un tas de pays qui sont en particulier les pays du centre et de l'est de l'Europe n'ont pas été des pays colonisateurs. Et donc, effectivement, c'est une expérience qui peut-être aussi pèse encore aujourd'hui sur la vision. On sait bien que le groupe de Visegrad, donc autour d'Orban, autour des Kaczynski en Pologne, dit mais vous êtes trop multiculturaliste, vous laissez trop entrer vos anciens colonisés dans votre espace politique et ça n'est pas vous qui faites la véritable Europe, c'est nous qui sommes les garants de cette véritable Europe, disent-ils par exemple. Et ça, c'est sûrement l'expérience coloniale qui peut expliquer cette différence de vision, en l'occurrence Emmanuel Loyer. Oui, bah, je n'ai rien d'autre à ajouter, vous avez raison, mais du coup, cette expérience coloniale dont je pense que elle est quand même l'objet d'une grande partie de l'Europe, enfin, et je crois qu'il fallait évidemment parler. Bien sûr, mais oui, l'imaginaire qui va avec en particulier. Absolument. Oui, donc qui est cet imaginaire qui est porté à la fois par Conrad avec certains de ses textes, qui est porté par tout un tas d'autres auteurs. Oui, par une littérature, un cinéma, des chansons, un théâtre, etc. Et puis aussi des objets, les objets qu'il y a dans nos musées aujourd'hui, des recettes de cuisine, tout cela. Une vision de l'autre. Une vision de l'autre, oui, tout à fait. Alors, c'est assez compliqué parce que c'est aussi un moment où l'Europe, disons, a rayonné avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire que c'est aussi le moment où cette Europe sort des frontières de l'Europe d'une certaine façon. C'est pour ça aussi que on disait tout à l'heure l'Europe s'éprouve aussi comme Europe au moment où évidemment elle sort des frontières européennes. Mon ami d'Angleterre m'a dit j'ai trop de brume. Mon ami d'Italie m'a dit j'ai souvent faim. Mon ami de Madrid pense avec amertume à son fils en exil dans un pays voisin. Bruxelles et Amsterdam sont pleins d'amis que j'aime, de grands-pères espagnols avec du sang germain. Mon ami de Berlin a beaucoup de problèmes, mais j'ai tout oublié pour lui tendre la main. Et pour le temps, le ciel de nos villages a les mêmes chagrins et les mêmes couleurs. Et pour le temps, la mer sur nos et les mêmes fureurs. Avec un peu de brume venue de l'Angleterre, avec un peu de blé du pays du soleil, avec un peu de sang de l'Espagne en colère, on pourrait faire un arbre qui monterait au ciel. J'ajouterais peut-être une chanson de France que Paris donnerait en cadeau de Noël. Et nous danserions tous la nouvelle cadence d'un pays merveilleux au passé éternel. Et pour le temps, demain dans nos villages, sur les bancs d'une école, les enfants reliront notre histoire sur un livre d'images. Qui leur sera compté en couleur de chanson. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Une émission de la Fabrique de l'Histoire dans une série qui commence aujourd'hui, ce lundi, autour de la question de l'histoire de l'Europe. Et nous venons d'entendre André Dassary quand il évoque la chanson de France que Paris donnerait en cadeau de Noël en 1958 pour cette chanson donc qui est un hymne à l'Europe en train de se faire, puisque le traité de Rome a juste un an à cette époque-là. Eh bien, il pourrait peut-être évoquer Maréchal Nous Voilà qu'il a chanté dans les années 40 pour le maréchal Pétain, comme quoi on peut avoir été un des grands défenseurs de la logique pétainiste et de Vichy et devenir ensuite un des grands défenseurs de l'Europe, ce qui n'est pas, disons, une gageure, parce que ça n'est pas si simple que cela. Denis Crouzet, si on avance dans cette émission consacrée à la façon dont on pourrait écrire une histoire culturelle de l'Europe, vous êtes coordinateur, vous avez préfacé un travail donc collectif de beaucoup d'historiens qui travaillent dans un labex, comme on dit, qui s'appelle Écrire une histoire nouvelle de l'Europe, et qui est donc un laboratoire d'excellence où vous avez réfléchi aux historiens d'Europe, historiens de l'Europe, parce que tout compte fait, dans le livre d'Emmanuel Loyer, on voit bien que ces historiens ont eu un rôle, en particulier au XIXe siècle, pour la construction même de l'idée des nations et de l'idée d'Europe. Là, on s'est intéressé aux historiens du XXe siècle. La condition de figurer dans ce recueil, c'était d'être mort, premièrement, et deuxièmement, de pouvoir être considéré comme ayant une paternité des grandes évolutions épistémologiques qu'a connues l'histoire en Europe, aussi bien en Angleterre qu'en Allemagne, Italie, etc., et France, bien entendu. Alors, Emmanuel Loyer a dit très justement tout à l'heure que le gros problème auquel se confrontaient les historiens était celui d'une longue durée ou non de l'Europe et de rechercher ce qui peut toujours avoir été un signe précurseur d'une tension d'unité. Alors, nous avons essayé de prendre le problème différemment en considérant que ces grands historiens qui vont de Fèvre à Kosellec à Le Goff ont, à un moment précis de leur recherche, rencontré l'Europe, ont été confrontés à l'Europe comme si cette Europe était un impératif catégorique du renouvellement de leur pensée. Et c'est cela qui nous a intéressés. L'Europe n'existe pas comme absolue, mais on ne peut pas écrire l'histoire de façon, transformative, nouvelle, sans que l'Europe arrive comme adjuvant, comme aide, et comme aussi affirmation qu'il y a une unité possible, impossible. Oui, alors c'est très intéressant parce que vous prenez des exemples, vous avez cité Reinhard Koselleck, donc l'historien allemand, il peut y avoir aussi Kantorowicz, autre historien allemand, et puis un troisième, Norbert Elias, par exemple, qui est cité beaucoup dans le livre d'Emmanuel Loyer, qui est l'inventeur, le concepteur de ce process de civilisation qui aurait été justement une des particularités de cette Europe qui quitterait les guerres intestines pour pouvoir aller progressivement vers un apaisement des conflits. C'est vrai que le XXe siècle n'a pas beaucoup marqué cela, mais c'est vrai que depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le cas, en l'occurrence. Et puis aussi Jacques Le Goff, par exemple. Mais pour revenir à Elias, ce qui est très intéressant avec lui, on recoupe Erasme, puisque ce process commence globalement avec Erasme pour lui. Pourquoi, peut-être, a-t-il été attiré par une approche qui cherchait dans le Saint-Empire, en Angleterre, en France, aux Pays-Bas, les données d'identification de ce processus, c'est parce que lui-même était confronté au contre-processus, c'est-à-dire la barbarie nazie. Il avait dû fuir. Et il avait combattu pendant la Première Guerre mondiale aussi. Oui, et en plus, sa mère va mourir à Theresienstadt. Donc, l'historien a besoin de l'Europe, sans doute aussi parce que pour existentiellement continuer à pouvoir vivre. Victor Massé-Lépinet. Oui, Denis Crouzet, à l'origine de votre livre, il y a une interrogation ou un manque que vous expliquez dans l'introduction. C'est un manque d'historicité récent sur l'Europe. Vous dites, tous ces historiens qui sont les chapitres de ce livre nous montrent des personnes qui ont rencontré l'Europe, comme vous dites, et il semble qu'à un moment, ce processus ou ce phénomène s'est tari. Les historiens ne rencontrent plus l'Europe ou ne veulent plus peut-être rencontrer l'Europe. Comment est-ce que... Sauf ma voisine immédiate. Mais comment est-ce que vous expliquez quand même ce déficit Je crois que c'est parce qu'on a conçu l'Europe dans les années 80-2000 sous la forme de grands projets Histoire de l'Europe qui étaient une coagulation d'histoires spécifiques fonctionnant synchroniquement mais sans qu'il y ait un trend général portant collectivement à une avancée. Et les conflits prenaient une grande part, donc l'Europe se défaisait d'elle-même en permanence. Oui, tout de même, il y a aussi quelque chose, c'est qu'on a bien vu aussi une certaine volonté de montrer que la construction européenne telle qu'elle est en train de se faire depuis les années 50 et 60 était inéluctable. Et donc on voulait raconter cela à partir de la fin, c'est-à-dire de ce que nous connaissons aujourd'hui, la Commission européenne, etc., etc. Alors qu'effectivement, vous dites que ça n'est pas un véritable processus historique, en l'occurrence. On voit bien, par exemple, dans la notice qui a été faite, formidable notice qui a été faite par Jacques Chiffolo dans ce livre sur son maître, Jacques Le Goff, et il n'épargne pas Jacques Le Goff, en l'occurrence, il dit, voilà, ben Jacques Le Goff, il naît à Toulon, dans un port sur la Méditerranée, il ne va pas écrire beaucoup sur la Méditerranée, il va même assez souvent négliger la Méditerranée, peut-être aussi parce qu'il est influencé par un autre historien sur lequel il y a une notice qui s'appelle Henri Pirenne et qui a écrit Mahomet et Charlemagne et qui a montré il voulait montrer qu'effectivement il y avait une opposition séculaire entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord à partir du 8e, 9e siècle. Et vous dites, Jacques Le Goff, il va évoluer. Et puis à la fin, il voudra prouver que l'Europe, à la fin, c'est ce que dit Jacques Chiffolo, eh bien c'est une belle construction, c'est bien, il faut la faire, etc., etc. Donc il va participer aussi, en tant qu'historien, à cette volonté un peu démiurge de créer une Europe qui peut-être n'a pas existé ou n'existe pas, en l'occurrence Denis Crouzet. Et, bon, le grand livre de Jacques Le Goff, c'est la civilisation de l'Occident médiéval. 1964 ou 65. Oui, une approche anthropologique, transfrontière, qui est extraordinaire. Et qui, à travers l'histoire des émotions, l'histoire des pratiques sociales, cherche un fil directeur qui unit cette mosaïque de monde et qui le trouve. Et ensuite, un cheminement qui fait que l'historien d'analyste s'engage. Mais on ne peut pas reprocher, je trouve, à Jacques Le Goff. Oh, c'est pas un reproche. Cet engagement, je me séparerais juste un peu de Jacques Chiffolo, parce que le livre aussi qu'on a voulu faire, c'est de dire que c'est trop facile de nier l'Europe, c'est trop facile de faire poser sur l'Europe le mal-vivre de notre contemporanéité. Et il s'agit de dire que l'Europe, elle est en quelque sorte métapsychologique en nous, et c'est ce que montrent les historiens, puisque impossible de penser de façon nouvelle, Fèvre en est le bel exemple, sans penser par l'Europe. Fèvre, c'est la destruction de la frontière du Rhin comme monde qui cloisonne. On est là dans vraiment une affirmation qui aujourd'hui peut avoir des grandes résonances. Ouais, Victor Massé-Lépinay. Mais tous les historiens qui sont dans ce livre n'ont pas une vision, j'allais dire, si téléologique de la construction européenne comme un aboutissement nécessaire. George Macaulay Trevelyan, qui est le premier historien abordé dans ce livre, l'historien britannique, il est fasciné par l'Italie, il écrit sur l'Italie. Il y a un décentrement qui est à l'origine de son travail, mais pas forcément une vision de l'Europe. Pas plus Gourevitch non plus, qui travaille sur la Scandinavie, mais qui n'a peut-être pas une vision totalisante ou globalisante de l'Europe. Macaulay Trevelyan est un historien que l'on peut qualifier, mon père l'appelait le plus chauvin des historiens des historiens anglais, mais en même temps... Votre père qui était historien aussi. L'Angleterre était le lieu où le système libéral affirmait pour Trevelyan sa supériorité, et ce système, il devait gagner le reste du continent, si le continent percevait bien cette exceptionnalité. Donc, même Trevelyan n'est pas en contradiction avec l'imaginaire de ce que l'histoire peut enseigner aux hommes être un magister vitae pour éviter les conflits. Vous n'êtes pas très éloigné dans votre préface à ce livre qui va sortir donc le 5 octobre prochain chez Champvallon, il faut le dire, et qui s'intitule Historien d'Europe, historien de l'Europe, Denis Crouzet. Vous n'êtes pas très éloigné de ce que dit dans l'énorme livre dont on parlera demain et après-demain, qui s'appelle Europa, notre histoire, paru aux éditions Les Arènes et coordonné par Thomas Serrier et par Étienne François, un livre qui rassemble une centaine d'historiens de toute l'Europe autour de cette question de l'histoire européenne, de ce que dit dans ce livre François Hartog. Vous dites en préface, l'Europe pour les historiens, c'est un moyen de penser l'histoire. Et François Hartog se pose la question dans ce livre de savoir si l'histoire n'est pas un lieu de mémoire européen. Donc c'est exactement la même chose. C'est-à-dire comment cette invention de l'histoire, Hérodote, etc., et puis tous les historiens qui ensuite, surtout au XIXe siècle, l'ont mise en œuvre jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on fait, si ça n'est pas un propre de l'Europe que d'avoir pensé comme cela le cours du temps, par exemple, Denis Crouzet. Je poserai la même question à Emmanuel. Je crois que il faut... Braudel a pris l'Europe, quand il se met à en parler, comme un personnage. Il fait ce qu'il a fait pour la Méditerranée. Et donc, l'historien peut, à travers cette personnification, procéder comme le psychanalyste, voir qu'il y a un niveau supérieur qui unit dissonance et unité, qui fonctionne sous le principe de la mosaïque et de l'antagonisme ou des accords. Puis, en dessous, en profondeur, des strates qui sont celles d'une dynamique commune, de tension commune, que seul l'historien est en mesure de reconstituer. Et ça se voit très bien, par exemple, dans l'étude qui est fournie sur Pierre Chaunu, qui est passionnante, parce qu'on voit que Pierre Chaunu essaie de critériser ce qui a pu faire qu'il y ait une histoire possible de globale qui est celle de l'Europe. On est dans une Europe dans une histoire eurocentrée, bien entendu, qui a contresens un peu de nos idéaux actuels, mais la même chose est perceptible chez Le Goff, chez Hobsbawm lui-même pourtant plus internationaliste qu'européen. Oui, sur ce point, François Hartog, dans ce livre « Europa, notre histoire », dit « L'histoire est-elle un lieu de mémoire européen ?» Est-ce que ça vous parle, justement, Emmanuel Loyer ? Oui, enfin, l'historiographie, là, moi, dans les deux siècles que je traverse, on a d'abord une historiographie, nationale, qui est très puissante, et puis ensuite, on la voit évoluer. Mais c'est vrai que cette idée que... le rapport au temps est un des récits possibles, disons, de ce rapport au temps, mais qui est pluriel, est une façon de, finalement, une des sensibilités des Européens, je pense que oui, et notamment un rapport au temps parfois mélancolique, puisque là, sur les deux siècles, 19e, 20e, c'est quelque chose qui me frappe, la persistance, disons, d'une sorte d'itinéraire bis du progrès, c'est-à-dire de Baudelaire à Adorno, à l'école de Francfort, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, Michel Houellebecq ou d'autres. Cette idée de finalement d'un rapport quand même douloureux aussi au présent, à la modernité, à l'emballement du temps, à cette espèce d'histoire un peu tourbillonnaire aussi. Oui, Denis Crouzet. Pour venir à mon point préféré, c'est le XVIe siècle. Je pense que vous êtes spécialiste entre autres des guerres de religion. Qu'Érasme est un des premiers à avoir historicisé face à l'effondrement de la chrétienté une entité commune qui serait Europe, mais surtout au moment des guerres de religion, ce sont les calvinistes persécutés, massacrés, qui essaient de trouver un nouvel espace de représentation pour leur foi qui dépasse les frontières, et sont les premiers qui vont dire que il y a une Europe qui unit ceux qui ont la foi. Alors le critère de la foi l'a défini, mais qui ont la vraie foi. C'est d'ailleurs une des vraies questions que vous abordez tous les deux dans votre livre, Emmanuel Loyer, et dans ce livre collectif, donc Historien d'Europe, Historien de l'Europe, paru chez Champvallon, Denis Crouzet. C'est la question religieuse. Vous êtes un peu embarrassés les uns et les autres, parce qu'en fait, vous dites, on peut pas définir, comme d'ailleurs Le Goff ne le voulait pas non plus, par exemple, l'Europe par les racines culturelles chrétiennes de l'Europe, par exemple. Donc cette question religieuse est un peu embarrassante pour pouvoir définir ce qu'est cette identité culturelle, Emmanuel Loyer. Non, mais là, c'est surtout, c'est pas tellement, c'est un embarras, mais c'est aussi un embarras bibliographique, parce que l'histoire religieuse, c'est encore tout un continent. Mmh. On est dans un moment, là, 19e, 20e, disons, où à la fois l'Europe connaît une sécularisation de ses sociétés, mais où on n'en a pas fini avec le religieux, bien évidemment. On observe des migrations de la foi qui auraient dû, si vous voulez, constituer, en effet, d'autres chapitres, mais que je n'ai pas traité aussi parce qu'il y a cette... Puis il y a aussi cette autonomie, en fait, de l'histoire religieuse qui, peut-être, est un problème, d'ailleurs. Dans notre livre, il y a l'analyse d'un auteur extraordinaire, Robert Lopez, qui a écrit « Naissance de l'Europe » à l'initiative de Braudel. Et à un moment précis de son développement, Lopez, Jean-Claude Mervigueur le montre, Lopez fait entrer la chrétienté comme élément vraiment fondateur de l'Europe, mais immédiatement pour balayer cet élément fondateur et mettre en avant que l'économie, les grandes transformations économiques sont beaucoup plus importantes pour cette cristallisation. Victor Massé-Lépine. Oui, on a évoqué en début d'émission les précautions qu'on prend et qu'on explique quand on se lance dans une histoire culturelle de l'Europe ou une histoire de l'Europe par les historiens. En tout cas, dans tous les livres dont on va traiter cette semaine, la question méthodologique est tout à fait importante, puisque écrire une histoire de l'Europe, c'est souvent inventer ou repenser les outils méthodologiques. Il y a une question qui est peut-être pas méthodologique, qui est plus sur le sujet, mais qu'il faut aborder quand on se lance dans une histoire culturelle de l'Europe, c'est celle des États-Unis. On n'en a pas parlé. Est-ce qu'on peut brièvement dire qu'est-ce qu'on fait avec les États-Unis quand on écrit une histoire culturelle de l'Europe? Comment est-ce qu'on les intègre ou non dans un projet comme celui-là? Et Emmanuel Loyer, qui a beaucoup réfléchi à cette question-là en travaillant justement sur ces intellectuels européens partis de l'autre côté de l'Atlantique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est à la fois, je dirais l'Amérique, d'une certaine façon, c'est à la fois un contrepoint, et c'est là où mon voisin le sait mieux que moi, aussi peut-être l'Europe se découvre elle-même en découvrant une autre humanité. Ça, c'est l'histoire du XVIe siècle. Et puis évidemment, c'est à la fois un autre et un semblable, quoi, l'Amérique, puisque... et d'ailleurs, la catégorie d'Occident se place aussi par rapport à cette histoire européenne. Donc c'est vrai que c'est l'autre en moi, quoi. Il y a quelque chose comme ça. La figure intéressante, alors, est Ernst Kantorowicz, qui fuit, qui est exfiltré par des amis juste avant la nuit de cristal. Pourtant, après avoir été l'objet de tentatives de séduction de la part de tous les chefs nazis, mais qui, aux États-Unis, nommé professeur à Berkeley, va être confronté à un deuxième drame, c'est-à-dire le maccartisme. Alors, les États-Unis ont sauvé une partie de la science historique européenne en accueillant ces fugitifs de l'Allemagne nazie, mais tous n'ont pas été bien traités. Un dernier mot dans la conclusion de cet article qu'il publie pour Europa Notre Histoire. François Hartog dit: si un nouveau concept d'histoire doit émerger, il ne sera pas manufacturé dans les ateliers de l'Europe, dit-il. Avant 1789, il y avait des histoires, et ainsi le temps de l'histoire avec un grand H au singulier n'aura été qu'un moment de la vie de Clio, comme si d'une certaine façon, les histoires avant l'Europe, avant le 19e siècle, l'Europe qui invente cette histoire avec un grand H, selon François Hartog, et aujourd'hui, la multiplicité un peu partout des interprétations, le post-colonialisme. Disons ce qu'il appelle l'histoire avec un grand H, c'est l'histoire universelle, progressiste, au sens l'histoire d'un progrès universel des sociétés sur la même échelle. Bon, ça, c'est vrai que Je pense que... La pluralité est en marche. Oui, on pourrait dire ça comme ça, la pluralité est en marche, en tout cas, on est sorti. Oui. Merci donc à tous les deux. Je rappelle, Emmanuel Loyer, que vous êtes auteur d'une brève histoire culturelle de l'Europe qui vient de paraître dans la collection de poche Champs Histoire chez Flammarion, et qu'on attendra le 5 octobre pour lire avec beaucoup d'intérêt donc le livre que vous avez préfacé, Denis Crouzet, historien d'Europe, historien de l'Europe, donc avec de très nombreux historiennes et historiens qui participent à ce travail. Et donc, c'est un livre publié chez Champ Vallon. Demain, on va encore parler d'histoire de l'Europe avec un reportage que vous avez réalisé il y a un an maintenant. Oui, il y a 9 mois, en décembre 2016. Pas tous les historiens, François Hartog n'était pas là, de ce grand projet Europa, ils étaient une soixantaine, se sont retrouvés à Hanovre pour discuter, se présenter leurs travaux en cours. Et on est vraiment dans la fabrique de l'histoire telle qu'elle se fait entre universitaires et savants. C'était une petite république des lettres. Mais on est allé promener notre micro parmi ceux qui étaient francophones. Ils étaient nombreux. Voilà. En général, on traduit par « sites of memory ». On pourrait dire aussi « sitio de memoria ». Erinnerungsorte. Oder Orte der Erinnerung. Vous pouvez dire les deux choses. Lugar de memoria. Miejsca pamięci. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a, je pense, à travers le monde, cette acceptation finale, que c'est une sorte de terme français qui devient un terme généralement utilisé. Pierre Nora avait défini le lieu de mémoire par rapport à un écosystème politique et culturel, qui est en gros celui de l'État-nation. Il y a lieu de mémoire, si et seulement si, il y a un cadre de référence commun depuis suffisamment longtemps pour qu'il y ait sédimentation. Faire le pari qu'il y a des lieux de mémoire européens, et que donc il y a un cadre commun européen dans lequel ces lieux de mémoire sont pensés, vécus, dits, mis en scène, joués, vécus, c'est un vrai pari et c'est un vrai enjeu. Peu de gens travaillent directement sur la mémoire, expressément sur la mémoire. Donc il y a constamment les risques qu'on revienne à une sorte d'histoire intellectuelle, petit bastion du centre de l'Occident. Et évidemment, ça, il faut à tout prix éviter. Sinon, ça va être perçu comme un discours du centre nombriliste, etc. On peut voir la réunion d'aujourd'hui un peu comme des mini-miracles, parce que quand on voit depuis le début du projet tous les obstacles, toutes les résistances, aussi toutes les tensions que ça peut générer au sein même d'une équipe, entre les auteurs et les gens qui font les critiques des auteurs, etc. Je trouve ça quand même assez passionnant de voir qu'à un certain moment, en tout cas, tout le monde accepte de se mettre à la table et de manière constructive en disant « Ok, on va parler du même projet de manière aussi articulée que possible et on essaye de mettre en place quelque chose qui puisse faire sens. » Je dirais qu'il y a encore du travail. Le livre est publié dans un an. Le sens, c'est aussi de retravailler ces textes qui, pour moi, en ce moment, ne sont pas encore assez liés à cette problématique des lieux de mémoire. C'est une sorte de vérification a posteriori du fait qu'il n'y a pas une mémoire européenne, mais qu'il y a à l'intérieur de l'Europe une communauté mémorielle qui fait qu'on est capable de parler du passé de l'Europe et de la présence du passé de l'Europe, que l'on vienne d'Ukraine, de Grande-Bretagne, d'Italie ou de Suède. Voilà donc un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain sur la constitution, la création de ce gros livre dont on parlera demain et également jeudi dans la Fabrique de l'Histoire. Donc Europa, notre histoire, publié aux éditions des Arènes. Donc Victor Massel-Lépinet est allé se promener dans la fabrique de ce livre. C'était il y a un peu plus de 9 mois. Mercredi, nous évoquerons la question de des opposants au discours européen et en particulier à la construction de l'Europe politique. Et puis jeudi, nous demanderons s'il y a encore deux Europes. Donc, malgré la chute du mur, il y a 30 ans de cela. Cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Defar Guérid nous a accompagnés à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.